Le Dhammapada. Verser sur les fleurs. Qui conquerra cette terre, ce royaume de la mort, ce monde d'hommes et de dieux? Qui suivra, jusqu'à sa perfection, le sentier de la sagesse du Dhamma bien enseigné, comme un faiseur de guirlandes expert disposant ses fleurs? Celui qui s'entraîne dans le Dhamma conquerra cette terre, ce royaume de la mort, ce monde d'hommes et de dieux. Celui qui s'entraîne suivra, jusqu'à sa perfection, le sentier de sagesse du Dhamma, comme un faiseur de guirlandes expert disposant ses fleurs. Sachant que ce corps est comme l'écume, comprenant que sa nature réelle n'est que mirage, détruisant les perfides fleurs sensuelles de Mara, va là où la mort ne pourra plus t'atteindre. L'homme, distrait par la cueillette des fleurs perfides de Marat, est emporté par la mort, comme les flots d'une inondation emportent un village endormi. L'homme, obsédé par la cueillette des fleurs perfides de Marat, est distrait. Sa recherche de plaisir est sans fin. Alors la faucheuse le garde sous son joug. Comme une abeille s'envole avec le nectar d'une fleur, sans altérer sa couleur ni son parfum. Ainsi le sage doit quêter sa nourriture dans un village.